Le Parti du Travail de Corée entoure de ses bienfaits les sinistrés de la province du Hamgyong du Nord, où apparaît un Éden socialiste à la suite du changement du mal en bien. Les sinistrés ont reçu les couvertures en laine, vêtements ouatés, blousons, denrées alimentaires empreints de l'amour du parti mère, alors que les écoles les accordéons. Rappelons que le maréchal Kim Jong-un avait envoyé aux habitants et enfants beaucoup de produits alimentaires comme du riz, d'articles de consommation courante, d'uniformes scolaires, d'articles scolaires, etc.